Chapitre 18e. Les voix qui avaient inquiété Mademoiselle Peters étaient celles de Mrs. Barnaby et du Major Allan. La connaissance qu'ils avaient faite la veille au soir légitimait pleinement l'aimable empressement avec lequel le gentleman était venu s'informer de la santé de la dame. De plus, il était assez curieux de savoir si cette jeune et jolie créature qu'il avait rencontrée dans sa promenade matinale avait raconté son aventure à sa tante. Il était persuadé qu'elle n'en avait rien fait, et dans ce cas, il se disait qu'il saurait que penser de l'apparition soudaine et des façons protectrices du grand ami de la donzelle. C'était ainsi qu'il raisonnait, tout en cheminant vers Sion Row en sortant de son déjeuner. Ai-je besoin de demander à ma charmante Mrs. Barnaby comment elle a reposé après le bal? Si ses yeux-là n'avaient pas joui de la bénédiction du sommeil, ils ne brilleraient pas ainsi. Et avant que la dame eût pu se remettre du doux embarras occasionné par cette entrée, le major lui avait pris la main en faisant un grand salut et en lui baisant le bout des doigts. « Vous êtes bien bon d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici, Major Allan. Asseyez-vous donc, je vous prie. Je vis maintenant bien retiré en comparaison d'autrefois. Du temps de M. Barnaby, nous voyons tant de monde, suivant cette vieille coutume de province, vous savez, qui consiste à ne jamais avoir sa maison vide. Quand je me suis trouvé seul, il m'était impossible de rester là. C'est ce qui m'a fait abandonner ce magnifique endroit. Le domaine de Silverton, n'est-ce pas? Je crois bien en avoir entendu parler. Silverton, oui. Et croiriez-vous, Major, que pendant les premiers mois de mon veuvage, le souvenir de tout cet entrain, de toute cette gaieté, était si cruel pour mes nerfs, que je me suis vu forcé d'éloigner de moi tout ce qui le ravivait. J'ai vendu mes voitures, mes chevaux, j'ai loué la propriété et renvoyé les domestiques. Et bien positivement, lorsque je me suis mis en route pour venir chez ma sœur Peters, je me demandais si j'aurais jamais la force de rentrer dans le monde. Grâce à Dieu, chère madame, vous avez fait cet effort. Et bien que la rude nature de nos musées par la guerre ne puisse que difficilement s'unir à la douceur de la vôtre, il existe cependant entre nous des affinités sympathiques que des paroles vraiment senties peuvent mettre au jour. Je comprends si bien ce que vous ressentez qu'il est difficile de ne pas envier, même dans la mort, celui qui a laissé derrière lui un pareil souvenir. Mais il ne faut pas s'apesantir sur ce sujet. Dites-moi, chère Mrs. Barnaby, dites-le-moi comme un ami qui vous comprend et qui vous apprécie. N'avez-vous pas quelque regret d'avoir quitté votre beau château? Ne sentez-vous pas, je suis sûr que vous le sentez, que la Providence ne vous a pas doué d'une façon si particulière pour rien? Ne sentez-vous pas que vos semblables ont en quelque sorte un droit sur vous et qu'une créature aussi adorable ne saurait passer sa vie dans la retraite, dans la solitude? Dites, ne le sentez-vous pas? Hélas, Major, il y a tant de faiblesses dans le cœur d'une femme qu'il lui faut quelque temps avant d'être à peu près certaine de ce qu'elle ressent. Nous autres femmes, nous sommes tout élan, tout âme, tout sentiment, et notre destinée dépend absolument des amis que nous rencontrons pendant notre passage sur cette terre de larmes. Belle pensée! Où est-il le poète qui a jamais dépeint le cœur de la femme d'une manière plus suave? Grand Dieu! Voir une créature si bien faite pour jouir de la vie, qui rayonne d'une innocente gaieté, dont le sourire, quand elle daigne en prendre la peine, peut aisément répandre autour d'elle le bonheur, voir une femme comme celle-là, abandonnée, seule et baignée de larmes, son magnifique domaine est si hospitalier, en abandonner les pompes et les splendeurs. Quel spectacle! Ne languissez-vous donc pas loin de votre si belle propriété, chère madame? Peut-être, par moments. Ou plutôt, peut-être y a-t-il eu des moments où quelque chose de ce genre a traversé mon esprit. Mais si je n'avais pris ce parti, je n'aurais jamais connu Clifton. J'avais besoin de changement, et je me sens déjà mieux au milieu de cette délicieuse atmosphère. Seulement, j'avoue que je regrette mes superbes pommelets. Je n'en retrouverai jamais qui me plaisent autant. C'était un attelage. Oh oui, 4 pommelets, tous bien appareillés. Admirablement. Le pauvre M. Barnaby s'était donné tant de mal pour les réunir. Il mettait tout son bonheur à me faire plaisir. Ah, je n'aurais pas dû les vendre. C'est bien dommage, en vérité, dit le major avec un soupir. Tenez, n'en parlons plus, major. Et ici la veuve appliqua légèrement et avec le plus grand soin sur ses yeux un mouchoir des plus richement brodés et délicieusement imprégné de musc. Oh, dit le major en se hasardant à tirer tout doucement le mouchoir, il ne faut pas vous laisser aller à cette dangereuse faiblesse. Je ne saurais souffrir qu'on me dérobe ces yeux-là. Il me semble ressentir absolument, nous fait éprouver une éclipse glaciale en plein midi. Regardez-moi de grâce, je vous en supplie ou je fuis. Oh, n'en faites rien, dit la veuve, en faisant pour se rire un effort qui lui valut à la fois un regard rempli de reconnaissance et sur la main qui avait consenti à retirer le mouchard en biais, un baiser presque involontaire. « Et votre nièce, Mrs. Barnaby, cette jolie petite fille, » dit le major, comme s'il jugeait opportun de changer de conversation, « comment va-t-elle ce matin ?»« Parfaitement bien. La pauvre enfant est dans ma chambre, où elle prépare ses leçons de français et d'italien avant de me les réciter. « Bonté divine, est-il possible que vous lui soyez dévouée à ce point ?»« Prenez garde, charmante Mrs. Barnaby. » Prenez garde, charmante Mrs. Barnaby, prenez garde. En permettant à votre nature si tendre de concevoir un pareil attachement pour cette jeune fille, de compromettre ce que la vie vous réserve encore de bonheur. À votre âge, avec votre exquise beauté, vous ne pouvez point ne pas songer à renouveler le lien qui a déjà embelli votre existence. Et qui voudrait, pardonnez à ma hardiesse, qui voudrait donner tout son cœur, toute son âme, sa vie tout entière à quelqu'un qui, en retour, ne pourrait donner qu'un cœur partagé? Pensez-vous que l'affection de n'importe quelle nièce au monde puisse compenser, pour une nature aussi finement sensible que la vôtre, cette affection ardente et exclusive qui unit l'époux et l'épouse? Dites, le croyez-vous? C'est une question, répondit la veuve en tenant ses yeux rivés sur le plancher, que je ne m'étais encore jamais posée. Eh bien, ne différez pas davantage. Au nom du ciel, au nom de votre bonheur à venir, au nom de la jeune fille elle-même, ne mettez pas volontairement un embarras dans votre vie en acceptant la charge des devoirs d'une mère envers une personne qui, en raison de son âge, n'aurait jamais pu être votre enfant. « Hélas, c'est bien vrai, » dit Mrs. Barnaby. « J'ai perdu le seul enfant que j'ai jamais eu, 15 jours après son infortuné père. Il aurait 3 ans ce printemps. En effet, l'âge de ma nièce m'empêchera toujours de la traiter comme mon enfant. Mon Dieu, il y avait une si grande distance entre ma pauvre sœur et moi, que j'étais habitué à la considérer plutôt comme une tante, comme une mère, je dirais même, que comme une sœur. C'est tout naturel, et rien de plus touchant, de plus intéressant, que les beaux sentiments que vous témoignez pour cet enfant. Pardonnez, je vous prie, à une franchise qui prend sa source dans l'intérêt profond que m'inspire votre bien-être. Cette jeune personne est-elle entièrement à votre charge? Pour le moment, oui. Mais à la mort de sa grand-tante, Mrs. Elizabeth Compton, de Compton Bassett, elle sera pourvue. Aussi, à vous dire vrai, Major Allen, puisque vous voulez bien prendre un intérêt si affectueux à tout ce qui me concerne, aussi ne me suis jamais regardé et ne me regarderai jamais comme lié envers Agnès si les événements rendaient son séjour dans ma famille inopportun. Je suis ravi d'entendre une pareille assurance. Que de cœur, que d'esprit, quelle beauté, quel charme incomparable! Ah, chère Mrs. Barnaby, comment s'étonner que feu M. Barnaby mit tout son bonheur à vous plaire! Mais pour en revenir à cette pauvre fille, peut-être, quand vous n'êtes pas à côté d'elle, peut-on la trouver jolie et... Cette Mrs. Compton de Compton Bassett, est-ce qu'elle est fort riche? Est-ce qu'elle vous est quelque chose aussi? Oh, elle est colossalement riche. Compton Bassett est un magnifique domaine. Mrs. Elizabeth est la sœur non mariée de mon père. Alors un jour, Miss Willoughby aura une grande fortune. Quel âge a votre tante? Bien près de 60 ans, à ce que je crois. Mais ce qui doit revenir à Agnès, c'est tout juste qu'il faut une femme bien née pour vivre. L'ensemble de la fortune avec la propriété est fixé sur ma tête et sur celle de mes héritiers. Je crains que vous ne trouviez ma visite démesurément longue, dit en se levant le major, qui était pleinement satisfait. Je m'en vais. À moins pourtant que vous ne me permettiez pas de revenir. Ne partez pas encore, dit la charmante veuve, en faisant mine, tout en badinant, de refuser la main qu'on lui tendait. Que pouvez-vous avoir à faire qui vous empêche de m'accorder encore un petit moment? « Il serait difficile, madame, » reprit le major avec le plus éloquent des regards, « de trouver une occupation suffisamment attrayante pour m'arracher d'auprès de vous, tant que je puis me flatter de vous inspirer le désir de me garder. Eh bien donc, rasseyez-vous, Major Allan, car vous savez, j'ai grande envie de savoir un peu de ce qui vous concerne. Où avez-vous servi? Quel danger avez-vous couru? Vous ne pourrez vous imaginer avec quel intérêt j'entendrai ce récit de votre vie passée, ma douce amie. Il faut un ordre de vous pour que j'aborde un pareil sujet. Et pourtant, combien il me sera doux de parler de moi-même devant un semblable auditeur. Vous me promettez de m'arrêter dans le cas où je mettrai votre patience à une trop rude épreuve, n'est-ce pas? Vous me direz si je vous fatigue? Oui, oui, n'en doutez pas. Seulement, tant que je ne dirai rien, vous ne vous arrêterez pas. Oh, douceur adorable! Eh bien donc, je vais faire ma propre biographie. Et devant la personne dont l'opinion pour moi surpasse à elle seule celle du globe entier. Il n'est pas probable, ma charmante amie, que le nom du porte-drapeau Allen vous soit resté totalement inconnu. Ce fut à l'époque où j'occupais cet humble rang que j'eus pour la première fois la bonne fortune de me distinguer. dans la guerre de la péninsule, j'eus le bonheur de faire tourner en une complète victoire ce qui aurait pu être la défaite la plus désastreuse, et immédiatement après je fus promu au grade de capitaine. À peu de temps de là, j'eus la chance de montrer encore la même aptitude dans une affaire qui n'était nullement professionnelle, mais qui néanmoins me valut une note favorable et contribua sans aucun doute à attirer sur moi cette haute considération dont l'Europe entière m'honore actuellement. Ce ne fut pourtant qu'une affaire de brigand. J'en mis 7 hors de combat et fut ainsi la cause que sa célèbre grandesse, le duc d'Almafonte d'Aragona d'Estrada, parvint à s'échapper ainsi que sa fille, la belle Isabella et ses joyaux. Le service, il faut l'avouer, n'était pas mince. Mais la reconnaissance qu'il fit monter au cœur et du père et de la fille dépasse de beaucoup sa valeur. Le duc m'offrit. Nous sommes actuellement si loin les uns des autres que je ne pense pas qu'il y ait d'indiscrétion à vous le confier, ma chère Mrs. Barnaby. Le duc m'offrit la main de sa fille avec une immense fortune. Mais hélas, quoi de plus capricieux que le cœur humain? Mon heure, ma chère amie, n'avait pas encore sonné. Je sentais que, malgré sa splendide beauté, je ne pourrais jamais aimer Isabelle d'Almafonte, et j'accomplis le douloureux sacrifice de refuser sa main. Rien ne saurait être plus noble que la conduite de sa grandesse en cette circonstance. Après que le premier moment, moment terrible, fut passé, il ne prononça que ces mots. « Capitaine Allen, il faut nous résigner. » Naturellement, il dit cela en espagnol, mais dans un récit comme celui-ci, il m'eût paru affecté de ne point le traduire. « Capitano Aleno, bisogno submissajonos » Telles furent ses propres paroles. Elles ont retenti au fond de mon cœur d'une telle façon que je suis bien certain de ne les oublier jamais. Je ne pouvais parler. Ce que j'éprouvais m'étouffait. Je quittais le palais sans avoir articulé un mot. 5 ans s'étaient écoulés. J'avais peut-être même un peu oublié la ravissante mais infortunée Isabella d'Almafonte, quand je reçus un envoi d'un notaire de Madrid m'informant que l'illustre duc était mort et que sa reconnaissance m'avait légué une somme que dans notre monnaie d'Angleterre équivalait à 30 000 livres sterling. J'étais déjà alors en possession du bien de mes ancêtres, et ceci me parut une bagatelle bien inutile, sans un accident qui arriva à cette époque et qui rendit le legs fort opportun. Grand Dieu, que c'est intéressant! Et cher major, dites-moi, que devint l'infortunée Isabella? Elle prit le voile dans le couvent de Los Sorores d'Olentes, quelques mois après la mort de son père. Tant qu'il avait vécu, elle n'avait pas été maîtresse de ses actions, quoiqu'il ne l'ait jamais torturée par aucune proposition de mariage. « Homme admirable !» s'écria Mrs. Barnaby au comble de l'émotion. « Cher major, » ajouta-t-elle sur un ton qui semblait vouloir conjurer un refus, « il faut, oui en vérité il le faut, il faut que vous m'accordiez une immense faveur. » L'autre jour, quand je suis allé à Bristol dans la voiture de ma sœur, Mrs. Peters, je me suis acheté un album. Il n'y a encore dedans que mon propre nom. Si vous ne voulez pas me briser le cœur, vous allez m'écrire là, sur la première page, le nom d'Isabella d'Almafonte. Ce sera un autographe du plus haut intérêt. » Le major prit l'album et la plume que chacune des mains de la veuve lui offrait et dit avec un profond soupir « Vous brisez le cœur. Je n'aurais jamais brisé le cœur d'aucune femme si la demande avait été secondée par des yeux tels que ceux-ci. » Un silence de quelques instants suivit cette réponse passionnée. Silence qui fut employé par le major en partie à écrire le nom d'Isabella d'Almafonte, en partie à contempler les paupières baissées des yeux tant admirés qui étaient devant lui. Ce fut la dame qui trouva la force de faire cesser ce silence d'une signification un peu trop vive en 10 ans. Et cet accident, qui a rendu le legs du duc si important pour vous, quel est-il, major? Ne cachez rien à celle que vous avez honorée du nom d'ami. Vous cachez quelque chose à vous? Jamais! Tant que vous consentirez à m'admettre en votre présence, il ne me sera pas possible de vous dissimuler quoi que ce soit. Voici cet accident, mon ami, et je ne suis pas fâché d'être amené à vous en parler, parce que cela me donne l'occasion de faire allusion à un sujet que je préfère vous voir entendre de ma bouche plutôt que de tout autre. Après la bataille de Waterloo, au sujet de laquelle je vous conterai tout à l'heure une anecdote, après la bataille de Waterloo, comme presque tous les officiers de l'armée, je devins un fainéant. Et comme tant d'autres, trop d'autres, je subis la tentation de chercher à remplacer les excitations de l'ardeur militaire par les agitations pernicieuses de la table de jeu. Il est très probable que si vous parlez de moi dans le monde, on vous dira que je joue gros jeu. Oui, ma chère Mrs. Barnaby, comme je me l'imaginais sottement, il me semblait que ma grande fortune m'autorisait en quelque sorte à risquer de fortes sommes, pour peu que cela m'amusât. Et je confesse que pendant quelque temps je me suis amusé. Mais j'eus bientôt découvert qu'un gentilhomme ne devait pas se conduire au jeu comme ceux qui en font une profession. Et je me suis mis à perdre. Mais à perdre si largement que je me serais vu contraint de grever mes terres d'hypothèque si le legs du duc d'Almafonte d'Aragon et d'Estrada ne m'était arrivé juste à temps pour m'épargner cette extrémité. « Que je suis heureuse d'apprendre cela, » reprit affectueusement la veuve. « Et depuis, cher major, vous n'avez plus hasardé d'aussi grosses sommes, n'est-il pas vrai ?»« Oh, jamais. Par le fait, maintenant, je n'entre jamais dans une salle où l'on joue gros jeu. Et je suis persuadé que j'ai offensé, par cette façon d'agir, beaucoup de gens qui s'accordent encore cette détestable indulgence. Aussi m'haïssent-ils parfaitement et profèrent-ils contre moi les plus violentes injures chaque fois que mon nom est prononcé devant eux. Ce dont je me soucie fort peu au reste. Je sais que je suis dans le vrai, Mrs. Barnaby, et qu'en perdant leur amitié et leur estime, j'obtiens peut-être l'estime et l'amitié d'une personne qui peut tenir entre ses mains le bonheur de toute ma vie. » Ici se renouvela le même dangereux silence qui avait eu lieu tout à l'heure, et ce fut encore la veuve qui eut le courage de le rompre en rappelant à son compagnon rêveur et préoccupé l'anecdote promise sur Waterloo. « Waterloo, » dit-il comme s'il s'éveillait. « Ah, bien chère Mrs. Barnaby, je vais vous conter cela, quoique j'ai bien des raisons pour n'en pas parler à la légère. D'abord, parce qu'aux yeux de ceux qui ne me connaissent pas, ceci pourra faire croire que j'aime à me vanter. Et de plus, si je racontais cette anecdote devant une compagnie assez vile pour la répéter, je pourrais attirer sur moi l'épreuve aussi prompte que fatale du mauvais vouloir. Je devrais dire de la haine, dont j'ai déjà ressenti les effets de la part d'une certaine coterie. Grand Dieu, major, avant que de parler, soyez prudent alors. Il semble y avoir ici beaucoup d'étrangers. Si vous avez des ennemis, il pourrait bien se faire qu'il se trouve quelque espion à votre intention parmi tous ces gens-là. J'en ai eu quelquefois l'idée, je vous assure. Je surprends de temps à autre des regards singuliers, qui ne peuvent s'expliquer autrement. Et l'ennemi dont je parle est un personnage qui a aussi bien le pouvoir que le vouloir de punir, par de méchants rapports, ceux qui contrecarrent son ambition, quand il ne veut pas les perdre tout à fait. Est-il possible, grâce au ciel du moins, vous ne pouvez douter de moi? Dites-moi donc, je vous en supplie, à qui se rapportent ces paroles si alarmantes? » Le major approcha sa chaise tout près de Mrs. Barnaby, prit entre ses deux mains une de celles de sa belle amie, et après être resté un moment les yeux fixés ardemment sur les siens, lui dit bien bas, « Le duc de Wellington. » « Dieu bon !» s'écria la veuve dans une réelle angoisse. « Le duc de Wellington, c'est le duc de Wellington qui serait votre ennemi ?»« Mon ennemi jusqu'aux dents, ma toute belle, jusqu'aux dents !» répliqua le major en grinçant fortement les instruments qu'il venait de nommer et en articulant sa réponse au travers de leur double rangée avec toute l'apparence d'une rage concentrée. Démonstration encore renforcée par la vigueur avec laquelle il continuait à étreindre la main de la veuve. « Mais comment est-ce possible ?» balbutia Mrs. Barnaby. « Un brave tel que vous, un homme qui s'est distingué si jeune, comment le duc peut-il être assez vil ? Et comment pourrait-il en être autrement, mon ami ?» reprit le major, dont l'agitation allait toujours croissant. « S'il est vrai !» et ici, baissant la voix, il articula à peine dans le creux de l'oreille de la veuve, « S'il est vrai que c'est moi, Ferdinand Alexander Allen, qui, de droit, devrait être aujourd'hui duc de Wellington ?»« Vous m'étonnez plus que je ne saurais le dire. » « Naturellement. Cependant, voici le fait. La bataille de Waterloo aurait été perdue, elle était perdue, infailliblement perdue, si, dédaignant de recevoir dans un pareil moment les ordres d'une personne dont j'entrevoyais l'incapacité, me précipitant en avant avec une intrépidité telle que je faillis dans ce mouvement jeter en bas de son cheval le duc de Wellington et faisant reculer devant moi l'armée française comme un troupeau de moutons recule épouvanté à l'approche du lion. » Je n'avais saisi de ma propre main et n'avais enlevé de dessus sa propre tête le chapeau retroussé de Napoléon, me mettant à fustiger avec cette coiffure le cheval du grand homme jusqu'à ce que cavalier monture se montrasse assez disposé à faire de leur mieux pour échapper à mes atteintes. « Dieu vous garde, ma chère dame. Le duc de Wellington n'en a pas plus fait pour gagner la bataille de Waterloo que vous-même. Je vous laisse à penser maintenant ce que doivent être ses sentiments à mon égard. Rempli de haine et d'envie, ceci n'est pas douteux. Répondit solennellement Mrs. Barnaby. « Et je ne vous cache pas, major, que je trouve votre situation des plus dangereuses. Un personnage possédant une pareille influence peut faire beaucoup de mal, même un homme dont le noble caractère est bien connu, comme vous-même. Mais comme c'est singulier que rien n'ait jamais transpiré d'un pareil fait. Je vous demande mille pardons, chère madame, on en a beaucoup parlé, au contraire. Dans votre paisible résidence, sous les ombrages du parc de Silverton, il est bien naturel que cela ne soit pas venu jusqu'à vous. Mais en réalité, la réputation du duc parmi le peuple anglais en a souffert grandement, bien qu'on n'ait jamais proposé de lui faire rendre son épée. Le fait, si connu, d'avoir été jeté des pierres dans ses fenêtres, événement qui n'aura probablement pas été jusqu'à vous non plus, prouve bien suffisamment la clairvoyance du peuple à l'endroit des prouesses de l'armée anglaise à Waterloo. Non, non, l'Angleterre sait trop bien ce qu'elle doit à cette victoire pour traiter de cette façon le général qui l'a remportée. Et s'il ne s'était élevé aucun doute sur l'identité de la personne qui a fait l'office de général, on n'aurait pas jeté des pierres à Splay House. Plusieurs simples soldats, braves garçons, ont été assez hardis pour prononcer mon nom, et c'est cela qui a mis le duc si fort en rage. Aussi n'y a-t-il pas d'injure qu'il n'ait enseigné à ses émissaires à dire contre moi. On m'appelait Filou, Grec, Radical, Maquignon, et je ne sais quoi encore. Je ne m'étonnerai pas, ma charmante amie, que tôt ou tard, votre amitié n'eût à subir l'épreuve d'entendre répéter de semblables calomnies. Mais maintenant, vous saurez comment vous devez les prendre et de quelle source elles proviennent. « Ah, je n'ai jamais rien entendu de si abominable !» dit Mrs. Barnaby avec chaleur. Non content de prendre pour lui tout l'honneur de ce que votre bravoure extraordinaire a accompli, il a la bassesse d'attaquer encore votre réputation. C'est pas trop fort. Et je n'ai qu'une crainte, c'est d'avoir le malheur de me rencontrer souvent avec lui quand je serai revenu au milieu de toutes mes relations. Je suis sûr que je ne pourrais résister au désir de dire quelque chose qui montrerait ce que je pense. Ah, s'il avait été réellement le brave que l'on croit voir en lui, combien il vous eût admiré pour votre indomptable courage. Ainsi, vraiment, vous avez ôté vous-même le chapeau de dessus la tête de Napoléon. Que vous êtes brave. J'aurais bien voulu vous voir, major. Je suis sûr que vous m'auriez fait l'effet d'un dieu. J'adore la bravoure. Ravissante créature. La dévotion au courage est une des plus charmantes dispositions du cœur féminin. Oui, je suis brave. Je n'éprouve aucun scrupule à le dire. Et l'idée que cette qualité vous est chère lui donne quatre fois plus de valeur à mes yeux. Mais ma chère, ma délicieuse amie, je me vois forcé de vous dire adieu. J'attends aujourd'hui l'intendant de ma propriété du Yorkshire, et je crains qu'il ne soit chez moi maintenant. Adoucissez donc la douleur de cette séparation en me disant que je pourrai revenir bientôt. Je serai bien désolé en vérité, Major Allan, de penser que ceci est notre dernière entrevue, dit doucement la veuve. Je suis rarement sorti dans la matinée avant l'heure à laquelle vous êtes venu aujourd'hui. Adieu donc, dit-il en lui baisant la main avec une tendresse mêlée de respect. Adieu. Et souvenez-vous que tout ce que j'ai murmuré à votre oreille amie doit être sacré pour vous. Mais je suis tranquille à ce sujet. La majestueuse beauté de Mrs. Barnaby ne peut cacher l'esprit mesquin de commérage. Ah, vous avez bien raison, vous avez bien raison. À mes yeux, les confidences d'un ami sont des gages de respect aussi doux que solennels. Il serait sacrilège de les violer. Adieu, major, adieu.